J'suis dans le boulot, j'fais la malle. J'suis dans le boulot, j'fais la malle. J'suis dans le boulot, j'fais la malle. J'fais la malle, ah ah ah. J'suis dans le boulot, j'fais la malle, ah ah.